Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM Minneapolis Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Freddy, bonsoir Adrien. Et bonsoir à ceux qui nous écoutent. Bonsoir. Yeah. Hello to good evening to everybody who's good listening evening to you. The world. Yeah, the world is listening to us. Because even if in the background they have the debate, they're probably listening to our music in the meantime. Yes, or as a soundtrack to the debate. Yeah, yeah, yeah. So we have to be really careful about what we're playing tonight? No. Because that might stick in their heads forever. Maybe. No. Or maybe that would be the soundtrack of the debate of the night. Yes. Okay. Like every time they're going to listen to these songs, they're going to think about the debate. That's what I'm saying. So it might All right. Well, tonight, we don't have any special theme except for the beginning of the show. Because I promised a friend a long time ago, her name is Germaine. Oui. Germaine. Oh, yeah. And I told her, like, you know, this song about Germaine. And she said, like, sure, put them on. And, you know, I don't really know them. So I decided to do it tonight. So we're going to have like five or six songs. They are very different about Gigi or Germaine. And we're going to start with Dalida. And the two songs we're going to listen to are a little bit long. So I decided to do two instead of three. We're going to listen to Dalida with Gigi L'Amoroso. And then the second song is going to be Gigi in Paradisco. Très bien. Perfect. And I remind you that this week, on Thursday, the pledge drive is starting. Yes. So, all right, on y va. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Je vais vous raconter, avant de vous quitter, l'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions quatre amis, au bal tous les samedis, à jouer, à chanter toute la nuit. Giorgio à la guitare, Sandro à la mandoline. Moi je dansais en frappant des tambourins, mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter celui qui faisait battre tous les cœurs. Et quand il arrivait, la foule s'écriait « Arriva Gigi l'amoroso, croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse. Gigi l'amoroso, toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. » C'était la fête quand il chantait Zaza, Luna, Caprese, oh sole mio. Gigi Giuseppe. Mais tout le monde l'appelait Gigi l'amour. Et les femmes étaient folles de lui. Toutes. La femme du boulanger qui fermait sa boutique tous les mardis pour aller. La femme du notaire qui était une sainte et qui n'avait jamais trompé son mari auparavant. Et la veuve du colonel, la veuve du colonel qui ne porta plus le deuil parce qu'il n'aimait pas le noir. Toutes, je vous dis, même moi, mais moi, Gigi aimait trop sa liberté. Jusqu'au jour où une riche américaine, à grand coup de je t'aime, lui proposa d'aller jusqu'à Hollywood. Tu seras le plus beau de tous les carousaux, lui disait-elle jusqu'à en perdre haleine. Nous voilà à la gare avec tous nos mouchoirs. Le cœur serré ému par ce grand départ. Pourtant on était fiers qu'il

Gigi. Fallait-il seulement qu'il sourit? Les anges étaient tous fous de Gigi. Il donna des galas gratuits. Les saints ont chanté toute la nuit. Il leur parla de ses amis qui un jour allaient rejoindre Gigi. Sandro ne joue plus de la mandoline, il joue les synthétiseurs et la tumba. Et moi j'apprends à danser. Mais nous, on a envie d'y croire. Vous voyez, les Napolitains aiment les choses qui finissent bien. Pour nous, Gigi est toujours vivant et il nous attend. All right. Voilà. Yeah, and we're back. And indeed. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI. It is 8:20. Uh-huh. And we listened to three songs. Actually, two long songs. Yeah, I'm sorry. I'm so used to saying the same thing over and over again. Don't get caught by the routine. It's like if you hear someone saying a lie, you have to respond. You can like just think, oh, that's a usual lie. You know, You got it. Well, you're lying right now. No, okay. We listened to Dalida. With the first song was Gigi L'Amoroso. And effectively, it was long. It was 7 minutes and 30 seconds. And then just now was Gigi in Paradisco. And it was 6 minutes and 30 seconds. Oh. And it was from Dalida. Dalida, mm-hmm. who was born in Egypt, but of Italian parents. Yes. And she moved to France and she made a career in France. And she was pop folk at first, but she became very disco. Mm-hmm. And a very big success. And the same producers, actually, from Dalida, who were French, were also the same producer for the Village People. Oh, yeah. Who created the Village People. Yeah. Mm-hmm. So, and produced it. So that was pretty great. So now we're going to listen to more songs about Gigi and Germaine. We're going to listen to Serge Delisle with Germaine. And it's from a compilation called French Funk and Boogie from the 80s. And then we're going to listen to Dan Newton's Café Accordéon Orchestra with Germaine. And it's from the album Germaine. And we'll come back after that. All right. Très bien, c'est parti. craquer ton fric, tu bouffes ton tempérament, et tu bois mes sentiments, et avec moi tu joues à la femme flique. Germaine, t'es bourré de caprices, hyper égocentré, quelquefois tu prends la tête, à ne penser qu'à toi, c'est débile futile. Thank you. Et voilà, voilà. Voilà, voilà. We're back again. And yes, it is 8:32. And you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI. I don't know why it would change. Yeah. And we listen to... Two songs. Two long songs. Please follow. Three long songs. Two long songs. That's something that I would never do. Yeah, I bet you would. Be wrong about the number of songs. It's just like ABC here. There's a ton of fact checking going on. So but we have a whole team behind the window, eh? Yeah. Fortunately, we have our little earbuds with production talking to us. So what were the songs we just listened to, Frank? We listened first to Serge Delisle with Germaine from the album French Funk and Boogies from the 80s. It's from 1985. And just now was Dan Newton with Café Accordéon Orchestra with Germaine of the same album. And we're going to keep going with some Germaine song. It's going to be the last series. And this time, you got to pay attention. There's going to be three songs. Okay? Whoa. So. Mind-blowing. I know. You're switching it up on us. I know. It's getting tricky. Yeah, you can't drink before you come here. Otherwise, that's your toast. That's right. We're going to listen to a band called Mauvais Sort. Mm. And I got the disc from Georgette Archive. So I think they are from Quebec originally. And the name of the song is Germaine. And it's Alive from 2005. Then we're going to listen to Joseph Colombo du Bal Tabarin et son ensemble avec Germaine. And it's from the Rough Guy to Paris Cafe. Mm. It's a nice compilation. The second CD is more like eclectic because there's a little bit of song from Corsica and things like that. And Renaud with the famous Germaine, who was in Paris, and she left, and she was like a communist, and a real communist, not like a Marxist, like some people say. Mm-hmm. But they might not know the definition of Marxist. No. They might, I don't know that they read in general, so if they don't read, they can know about Marx. So, yeah, and then we'll be right back. Eh ben, c'est parti. On y va, and just an announcement before the songs. Why underwrite with KFAI? Underwriting announcements provide 20 to 30 seconds for you to increase awareness of your business and reach KFAI's loyal and dedicated listenership. If you're interested in underwriting with KFAI, go to kfai.org/underwriting. Germaine, tout en filant le lin. Germaine, belle Germaine, tout en filant le lin. Dans son chemin rencontre trois jolis cavaliers qui demandent à Germaine, fillette à marier. Je ne suis pas fillette, fillette à marier. Je ne suis pas fillette, fillette à marier. Je me suis mariée à 15 ans et demi. Mais il y a plus de 7 années que mon mari est parti. Ah, bonjour donc madame, peut-on loger ici? Ah, bonjour donc madame, peut-on loger ici? C'est dans le nord du prince, en Oise d'Ambroisie. Le plus joli gendarme qui soit dans ce pays. Ah, bonjour donc Germaine, chinois droit cavalier. Ah, bonjour donc Germaine, chinois droit cavalier. Mais ils ne veulent pas boire, ni manger. Ils désirent trop Germaine t'avoir à leur côté. Oh mère méchante mère, allez-vous-en d'ici. Oh mère méchante mère, allez-vous-en d'ici. Car si vous n'étiez la mère, pour la mère de mon mari, je vous ferais jeter en bas du pont-levis. Ok, let's go, tout le monde. Nos chevaux sont scellés. Pardon, chers camarades, nos chevaux sont scellés. À la table de Germaine, je veux aller manger. Dans le lit de Germaine, je veux aller coucher. Germaine, belle Germaine, ouvre-moi ton mari. Germaine, belle Germaine, ouvre-moi ton mari. Non, je ne crois pas. Paris avant que tu me dises quel jour que tu m'appuies. T'en souviens-tu, Germaine, du 5 novembre au soir? T'en souviens-tu, Germaine, du 5 novembre au soir? Non, je ne croirais pas que tu es mon mari avant que tu me dises quel cheval je vais pris. T'en souviens-tu, Germaine, ton cheval de Paris? T'en souviens-tu, Germaine, sa robe de satin gris? Non, je ne croirais pas que tu es mon mari. Donne-moi les remarques de la première. Les remarques de la première nuit, on n'oublie jamais ça. T'en souviens-tu, Germaine, tes anneaux d'or unis? T'en souviens-tu, Germaine, tes anneaux d'or unis? Je t'ai serré si fort, si forte dans mes bras, que ton anneau cassa, Germaine, le voit. Choix, c'est bien lui. Servante et le servante, accourez tout ici. Servante et le servante, accourez tout ici. Allumez le flambeau au coin du lit. Je vais ouvrir la porte tout grande à mon mari. Je vais ouvrir la porte tout grande à mon mari. Hey! Let's go! Thank you. Elle habitait Germaine, une chambre de bonne, quelque part dans le cinquième, à côté de la Sorbonne. Les WC sur le palier, une fenêtre sur la cour, en haut d'un escalier qui avait jamais vu le jour. Et sur les murs sans joie de ce pauvre boui-boui, il y avait Che Guevara, des Pink Floyd et Johnny. Sous le vieil électrophone, trop souvent détraqué, elle écoutait les Stones et Maxime Le Forestier. Germaine, Germaine, une java ou un tango, c'est du pareil au brème pour te dire que je t'aime, qu'importe le tempo. Germaine, Germaine, un rock'n'roll ou un slow, c'est du pareil au brème pour te dire que je t'aime et que j't'ai dans la peau. Ça sentait bon chez elle, l'herbe et le patchouli, le parfum des poubelles au petit matin gris. On buvait de la bière et du thé au jasmin, assis en rond par terre sur un tapis indien. Les voisins du dessous étaient bien sympathiques, quand on faisait trop les fous, ils se plaignaient qu'aux flics. Enfin bref, chez Germaine, c'était vraiment Byzance. Tous les jours de la semaine, on était en vacances. Germaine, Germaine, une java ou un tango, c'est du pareil au moi-même pour te dire que je t'aime, qu'importe le tempo. Oh oh, Germaine, Germaine, un rock'n'roll ou un slow, c'est du pareil au moi-même pour te dire que je t'aime et que je t'ai dans la peau, toi dodo. Mais quand elle est partie un jour pour Katmandou, moi je vous jure les amis, ça m'a fichu un coup. Sur la place Saint-Michel où elle traînait parfois, on parle encore d'elle, des sanglots dans la voix. Moi j'ai repris sa piole, mais c'est plus comme avant, c'est même plus vraiment drôle. Elle me manque souvent, mais son électrophone, elle me l'a laissé, comme ses disques des Stones et de Maxime Le Forestier. Germaine, Germaine, une java ou un tango, c'est du pareil au moi-même pour te dire que je t'aime et que j'aime la Canterbro. Oh oh, Germaine, Germaine, un rock'n'roll ou un slow, c'est du pareil au moi-même pour te dire que je t'aime et que je t'ai dans la peau. Et voilà. Voilà, voilà. We're back. Yes. After three songs this time. Oh, wow. Oh, yeah. What a memory. Yeah, I know. That's well, good. I counted. Yeah, I can see that you followed. Yeah. So, for change. What were they? So, they were about German. The three songs were called German. And not German Jackson. No. It's with a... No. With a G. Okay. La vache. No. No, c'est Gigi. Yeah, c'est Gigi. Notre ami Gigi. Exactly. And we listen to Mauvais Sort, which is a band from Quebec. Then Joseph Colombo du Bal Tabarin et son ensemble. And then just now was Renaud. And all of this with the song Germaine. And we are clôturing the series of German songs. Okay. So what's next? That was a nice tribute to Gigi. Yes. Yeah. And you held your promise strong. Good job. Yeah. I thought, hey, it's been a while since I told her I was going to do it. So. You know what, Freddie? I hope she counted the songs. She might. She said she'd listen. So I think he told her like, I don't know, 18 years ago, and he said, if one day I'm on the radio, I will play songs about Germaine. No, probably not. Because I had no idea I was going to be on the radio. That's why, you know, if one day... If one day... No. If one day I'm rich, maybe that I might have made that comment. On the radio, no. Well, so we're going to change a little bit. We're going to listen to Ali Danel with Pour l'Ouest. Mm-hmm. And it's a song that was about voyage from last week that I liked. His voice is fairly close to Joe Dassin, I thought. Mm-hmm. And then we're going to listen to Mathilde with a cover of Châtelet Les Halles from What's his name? Florent Pagny. Florent Pagny, mm-hmm. Thank you. And M, or Mathieu Chedid, with a song that's not recent, but that I really like. It's Le Roi des Ombres, The King of the Shadows. Mm-hmm. All right. Eh ben, on y va. Hein. On y va, c'est mm-hmm. parti. Combien de temps suis-je resté là à regarder les saisons qui défilent sur cette route où le vent s'en va? Il serait peut-être temps que je file. À quoi bon regarder le soleil, m'abandonner pour l'ouest au bout du soir? Il est désormais temps que je veille à le rattraper derrière le brouillard, à le rattraper derrière le brouillard. Où s'enferme le quotidien et des murs tellement petits qu'on entend tous les voisins, avec pour seul vis-à-vis des montagnes de parpaings où déambule l'ennui et se traînent des destins. Le samedi après-midi, prendre des souterrains, aller voir où sa vie de l'autre côté, ligne 1, Châtelet. Pas ici Tahiti, mais c'est toujours mieux que rien. Les baskets sur le parvis ne vont jamais très loin. On y piétine les débris et les abris clandestins, éprouvant même du mépris à ceux qui tendent la main. De Harlem à Paris, s'engouffrer dans un train, un couloir qu'on suit, ne pas aller plus loin, ligne 1, Châtelet. Châtelet, le A, station balnéaire. Les secondes, si je galope à moitié nu, à demi vécu l'hécatombe. Je me dis sous guettant le sombre, quel est le sens à première vue, découvrir mes catacombes. Tout seul dans l'arène, je suis le roi des ombres. Tout seul dans l'arène, je me suis perdu. Goûtant le sel et l'amertume, mes idées noires se dévergondent. Élégant mon costume de plume, quoi qu'en craque la vertu, laissant mes entrailles en plein trip. Tout seul dans l'arène, je suis le roi des ombres. Tout seul dans l'arène, je me suis perdu. Je suis l'homme de ton âme, tu es l'homme de mon M. Je suis thank you. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis-Saint-Paul et en ligne sur kfai.org, l'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612 341 0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis-Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Et voilà, voilà. So we just listened to three new songs after this whole set of Germaine. Germaine. Mm-hmm. And I got a message from Germaine and from Gigi and our friend, and she's listening. So cool. Bonsoir, cool. Salut, Germaine. Salut, Gigi. Salut. Gros bisous. And just now we listened to Ali Danel with Poole West. After that it was Mathilde with Châtelet-Léal, which is where I grew up, part of it. And then M, or Mathieu Chédid, with Le Roi des Ombres. And we're going to keep on going. I'll talk a little bit about the events. All of the events I'm going to talk about, you can find them on Facebook. On our Facebook page of Bonjour Minnesota or the Facebook page of each of the organization. A lot are from the Alliance Française. So on Thursday, 6 p.m., a season for that, book presentation by Steve Hoffman with special guest chef Vincent Francois. It's at the Alliance Française, so afmsp.org. Sunday at 5 p.m., there's International Café at Utopia's Brewing. And there's several dates, so feel free to check online. They are located at 225 Thomas Avenue North, Minneapolis, Minnesota. I have no idea if there's a fee or not. Then Thursday, September 19th at 5 p.m., Next Gen Night Out. It's going to be at Minnie's Wine Bar and Bistro, located at 1129 South Washington Avenue in Minneapolis, Minnesota. And it's about the French-American Heritage Foundation of Minnesota and meeting some of his member and board and be interested in what they do and try to meet more people about it, from it. Then Thursday, September 19th as well, 6 p.m., there's going to be the apéritif en français at the University Club in St. Paul. It's at 420 Summit Avenue in St. Paul, and it's managed by the Alliance Française. And then on the 19th, there's going to be the Atelier Rencontre with Leila Metzitan, also at the Alliance Française. It's from 6 to 8 p.m. Then Cine Club on the 20th, Friday. It's at, from 6 to 8, Cine Club, Best of Quebec Short. So you can get more information at afmsp.org. On the Saturday the 21st, at 11 a.m., the History of Acadia by Marc Labine. It's going to be at the St. Anne's Catholic Church in Somerset, Wisconsin. Of Acadia, the bar next door? No, not the bar next door. No, the real region in Canada. Okay. Sunday, September 22nd, Fall Fashion Show Fundraiser. And it's by the Alliance Française, but it's located, it's going to be happening at the American Swedish Institute. And you better RSVP soon because it's often sold out. So well, I know the VIP tickets are already sold out. Oh. Mm. So afmsp.org if you want more specific. And on the 27th, it's Friday, there's going to be Paris Lost and Found, Salon du Livre opening by Scott Carpenter. And we had... At the Alliance Française. We interviewed him during... Was it during COVID? It was during COVID, yeah. It was in June, I think, and it was for his previous book. Yeah. So that was very nice. Mm-hmm. I think I'll see if he can... Yeah, that would be nice. ...come over. Yeah. So that's on a Friday at the Alliance Française, and 6 p.m., afmsp.org, and on the 27th and the 28th, there's going to be the Salon du Livre 2024 or 2024 at the Alliance Française. So there's going to be some authors and, I mean, Scott Carpenter is going to be there again. But there's going to be Marie-Jo Bonnet, there's going to be Sophie Danger, Dr. Lindsay Sarah Krashnoff, I hope I said well, and Shelley Breen. So I'd recommend that you go on the Facebook page, either the Alliance Française or Arts, because we share the event, because there's a long detail about of course. Their books and their bio and that sort of thing. Yeah. So that's it for tonight. But again, check, follow us on Facebook because we typically share these events before they happen. Mm-hmm. And therefore, it's a good reminder. And we're going to go back to music. So various songs that I got more recently. We're going to listen to Adé with More Love. Then Millésime K, okay, with République. And MC Solar with Impact avec le Diable. Mm-hmm. And it's from his album Chapitre 7 from 2007. Oui. Or 2007. Et ben right. C'est parti alors. On y va. Je rêve de pas avoir d'ambition et de laisser tomber. Ça ferait relâcher la pression et je me sens saturée. Pourquoi on est tous aussi cons à vouloir dominer? Je vois beaucoup trop de drames, je comprends pas la mentalité. Viens voir la vie dans les grands et jolis. Ah ah, viens voir la vie ici. Je suis réaliste, pas pessimiste. Je sais pas qui mène la danse. J'ai l'air de m'en fous, je me protège. Mais ce qu'il nous faut vraiment, c'est mon love. Bien le temps de faire une pause. Tu vivras plus longtemps avec une dixième dose. Leurs idées on n'en veut pas mais on nous les impose. Et la censure attend celui qui s'y oppose. On a la moitié d'un homme assis sur le trône qui va t'éborgner si t'enfiles un gilet jaune. Les gens sans neurones deviennent des icônes. Une carrière dans la télé avec du silicone. Règlement de compte en centre-ville, comment tu réagiras quand tu verras que c'est ton gamin qui s'est pris la balle? Là-haut, ils augmentent leur salaire et se payent des dîners hors de prix pendant que toi tu crèves la dalle. Des blindés dans les manifs, on tape sur des paysans. Oui, c'est plus facile de mettre en garde à vue des innocents. Mais quand t'as des mecs cagoulés qui partent agresser les gens, eux on les laisse aller casser les vitrines des commerçants. Tu te lèves tous les matins pour donner ta thune à la terre entière. Entretenir les conflits bien au-delà des frontières. Je vais finir à 30 piges dans un cimetière. Faut que je me prépare à faire la guerre, je l'ai appris avant-hier. Comment ils nous traitent, les vieux votent Macron pour payer leur retraite. Les médias conditionnent les infos qui rentrent dans ta tête. Comment veux-tu sauver l'école? On est en manque de professeurs. Les jeunes n'auront plus jamais le nez dans les classeurs. La majorité d'entre eux voudront faire influenceurs sur TikTok, Instagram ou dans un téléviseur. On finance des médias et des associations qui nous crachent dessus. Un conseil, n'attends jamais rien de l'État, tu ne seras pas déçu. On va te prendre tout ce que t'as gagné pour le redonner à la sécu. Non, tu n'as pas vécu, tu as survécu. Comment veux-tu te faire soigner avec un hôpital en ruine, un manque de personnel et des vieux qui meurent dans les couloirs? On laisse des tarés devant l'école de nos gosses donner des friandises et leur montrer ce qu'ils ont en dessous du peignoir. Combien de fanatiques n'ont jamais été jugés? Soi-disant, c'est pas de leur faute, ils ont des maladies mentales. Mais toi, si t'es honnête, on te mettra sur un bûcher si tu roules à 90 sur une départementale. On a balancé des milliards pour les Jeux Olympiques. Y'a plus grave comme problématique, comme laisser des sans-abri crever dans des lieux publics, ou comme laisser des ados faire du contenu pornographique. Discussion physique remplacée par du numérique. L'intelligence va redescendre à l'âge préhistorique. Interdit de parler système démocratique. Jusqu'ici tout va bien. République. J'ai le téléphone du diable, prends son numéro, appelle-le en PCV, envoie-lui des textos. Dis-lui de ma part qu'avec foi je le maudis, qu'avec chapelet contre lui je psalmodie. Dis-lui qu'on va rassembler ce qu'il a éparpillé, par ce qu'il a divisé, par ce qu'il veut diviser. Vexe-le, lance des psaumes en argot, mets ton doigt en l'air, écris Favanculo. J'ai la boîte mail du diable, son triple W, il le mène une double vie. Envahis comme V, dis-lui qu'on flip app, dis-lui qu'on est apte sur les starting blocks pour l'impact avec le diable. Écris ou vas-y, on dit qu'il est évasif, mi-démon, mi-nazi. À ce jeune en galère, exclu de la carte gold. Il dit attends samedi, à Dubaï il y a des soldes. M'aider à l'eau, dis-lui qu'on a l'optimisme, que son cynisme renforce notre héroïsme. Il faut qu'il sache que même s'il se cache loin, avec un aimant on trouve l'aiguille dans la meule de foin. On aura de l'appui pour les mômes, et puis de l'appui au Sahel, et puis de nouveau puis. On aura aussi une section d'appui, des pare-balles et des balles pour l'impact avec le diable. Et son ciel s'obscurcit à mesure que les clouds nous proposent l'éclaircie. Nous sommes d'attaque, prêts au contact, avant le tact, mais on décroche. C'est un ordre de l'intelsat. Je croyais qu'on pouvait combattre le mal par le mal et puis aller dans la mêlée et là étaler le malin. On m'a dit fais pas le malin, mec, le mal il est dans l'humain. Si Pilate s'en lavait les mains, c'est que le mal il est dans nos mains. Et le soutien logistique qu'on demandait au très haut a été refusé parce qu'on portait des métaux. À croire que la raison a fait un pacte avec le diable. À croire que j'ai raison de vouloir l'impact avec le diable. Et voilà. We're back. Indeed. So we just listened to three songs. We listened to Ade with More Love. Mm-hmm. So new songs from a new song from Ade. Actually, it's not super. Well, yeah, 2024. So that's pretty new. Mm-hmm. Millésime K with République, which is also a recent one. And MC Solar with an older one, and Impact avec le Diable, Impact with the Devil, and he's talking about a lot of like bad stuff that's happening. It's a play on words. Yeah. It's always impact, but it's also a pact with the devil. So. Indeed. And we're going to keep on listening to music, because that's what we do. Yeah. Mm. And the show is archived. So if you ever miss a show for us, go to archive.org and you'll find all the older shows. And you'll find soon, I started to put them on Mixcloud, the 24 Hours of Frenchness. Mm-hmm. There's just one show, the funky show that didn't go through. But all the others are now like... on Mixcloud. So once I'm done, I'm going to connect the Spinitron, put them on archive.org, and there's going to be nice playlists and stuff like that. But cool. It's broken down by the 24 hours. So it's often 2 hours by 2 hours. Yep. And there's the show that you made. Mm-hmm. And there are also Aristide Bruant with Philippe Galanda. Mm-hmm. And the witness of Louise Guillory when she came in 2018. Yeah. Testimony. So I've learned also recently that there was another testimony that she did in 2009. Mm-hmm. Yeah. With another lady from Paris too, who was there. Yeah. And I was able to find it. Yeah. To find the recording. Yeah. Mm-hmm. Because of the wonderful KFAI staff. Yeah. So that was pretty cool. Yeah. All right. Let's listen to more songs. We're going to listen to another song from MC Solar. This one is an homage to Gainsbourg, so it's called Super Gainsbar. Gainsbar was the nickname of Serge mm-hmm. Gainsbourg, featuring Maureen Angot, and it's from his album Géopoétique from 2017. Then we're going to listen to Soprano with Facile à Danser, mm-hmm. Easy to Dance, and he's kind of like saying, like, you know, I dance like this or like that, and there's no kind of like, mm-hmm. let's just dance, you know, don't get complicated. And Amadou et Mariam, which are coming back. I just bought, I think, I don't know if this one is on their new album, but their new album is a best of. Yeah. Mm-hmm. So I don't remember if this one is on it, but I think that because they have the new best of, they're going to come back to the Twin Cities. That would be nice. And I think I'll go see them again. Yeah, me too. Yeah, me too. And and then we'll come back after these three songs. Et ben on y va alors. C'est parti. Il était une fois dans l'Ouest encore sauvage, un peintre armé de lettres, un vrai tueur à gages. Avec la jeune Houston, il vanne et se pavane. Il flambait des dollars, 30 ans avant Swagman. Jadis, il mélangeait à l'arrière des saloons des mélodies châtiées au rythme boum, boum, boum. Et dans les plaines immenses de vieux tubes en faïence, la magie de Gainsbourg a peuplé le silence. Super Gainsbar. Chassé de la cité, le jeune scribe chétif a tatoué sur le cœur l'étoile d'un shérif. Il masque ses démons en annonçant des psaumes qu'il note sur sa paume dans une rôle ce fantôme. Flic, flank, spliff, stupé, sing, sing. Bébé et petite pépé, pilote comme bling, bling. On peut frotter des lampes et écumer 15 bars. Ça ne fera pas apparaître le génie d'un 15 bars. Super 15 bars. l'amour, l'eau, la rastaquaire, l'homme à la tête de chou, choubadoubalouba, orang-outan, bubblegum, baby boom, les plaies, des vents, des poumes, oh didou didouda, la la l'amour, l'eau, la la rastaquaire, l'homme à la tête de chou, choubadoubalouba, orang-outan, bubblegum, baby boom, des plaies, des vents, des poumes, oh didou. À l'école, y'a ceux qui sont futés. Dans la rue, y'a ceux qui sont rusés. Dans les deux cas, les gosses veulent chiller, faire danser la monnaie. Oui, papa, je fais de la chanson. Oui, maman, je ferai attention. On dit que ton fils a du talent pour faire danser l'été. Y'a des darons qui dansent la rumba. Y'a des darons qui dansent la zumba. On dit que je danse comme un touba. Mais sur quel pied danser? Facile à danser. Chacun sa façon de danser. Facile à danser. Quand on débarque dans ta grosse villa, on est plein comme chez Gosse parce qu'il a. Dès que ça danse à la Roger Mila, ta voisine est charmée. Ne me gaspille pas mon temps, j'ai la famille qui attend la quiche pour la dépenser au mariage. Mon cousin à l'UMZ. C'est vrai qu'on a dit dans la vie, mon ami, faut oser. Chemise avec jogging, mon ami, faut doser. Oh. C'est vrai qu'on a dit dans la vie, mon ami, faut oser. Oh. Mais avec toi, on ne sait plus sur quel pied danser. Facile à danser. À chacun sa façon de danser. Facile à danser. À chacun sa façon de danser. Chacun sa façon de danser. Mesdames et messieurs, voyous, voyelles, consonnes, consoeurs, dans la vie, il y a trois niveaux de respect. Il y a ceux qu'on vous voit, il y a ceux qu'on tutoie, et il y a ceux qu'on... Hé, hey, toi là, danse. Ah, c'est cassé. Ah, c'est cassé. Ah, c'est cassé. Ah, c'est cassé. Facile à danser. Ah, c'est cassé. KFAI is proud to present Olita Adams, the farewell tour at the Dakota on Sunday, September 15th. With 4 Grammy nominations and more than 2.5 million records sold, Olita Adams has inspired a growing legion of fans around the world since the runaway success of her 1990 debut platinum album, Circle of One. Her songs are journeys of the heart that draw deeply from her roots in gospel, into the realms of soul, R&B, urban, and popular music. Her success was first nurtured by worldwide tours with Tears for Fears, Phil Collins, and Luther Vandross. Tickets for Olita Adams can be found at the Dakota website. Visit dakotacooks.com for more details. Dude, I managed to test into AP English. We're reading Shakespeare. Dude, like I got into AP Math. We're, like, calculating trajectories for Mars. Dude, got into AP Music. Sweet. Like, how'd you score that? By listening to KFAI. Dude. Back to school also means KFAI Fall Member Drive. Go to kfai.org and click donate to support non-commercial, community-powered, dude-inspired radio. And we are back. Indeed. And you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI. And it is 9:27. Indeed. And we listened to, I always say that just, you know, to show that we're not, that we are actually live. Yes. Yeah. and so we listened to 3 songs. Exactly. And the first one was from MC Solar. It was the second song of the evening with him. It was Super Gainsbourg with featuring Maureen Angot. And she's la fille de Madame Angot. I had to do it. Maureen Angot. La fille de Madame Angot is an opera. Okay. So that's okay. It's from his album Géopoétique. And Soprano with Facile à danser. And then just now was Amadou et Mariam with Mogul. And as you heard in the announcement, it's going to be Pledge Drive soon. So yeah, starting Thursday. Yeah, starting Thursday. So next week we'll play a little bit of songs about money. Mm-hmm. First we'll play, of course, Rice et Barrier, mm-hmm. The classic. But we might alternate a little bit too because fall is coming in September. Mm-hmm. So maybe not next week, but maybe the week after, we'll do a special like September, fall, things like that. So mm-hmm. There's always good songs about it, like Les Feuilles Mortes, or À la Faveur de l'Automne. And we're going to keep going with 3 songs. And I want to thank our radio partner, RFI, mm-hmm. Radio France Internationale, who's providing about 40 songs each month mm-hmm. For us to play. So of like, pretty much like new songs. Not all of them are in French, so but there's a good like half to mm-hmm. 3/4 that are in French, and So we're going to listen to Sena Manat with Tume Manque, You'll Miss Me. Mm. Then I'm not sure if the... Tume Manque is I Miss You. I Miss You, mm. Yeah. And I'm not sure if it's a soft G or a hard G, so I'm going to say Ogili. Oh, Gili. Gili, Gili, Gili. Gili, it's funny too. Mm. Gili is the word we say when we want to tickle. Yeah, Gili, Gili, Gili. Yep, mm. And it's the name of the song is Si Seulement, mm-hmm. If ever. Only. Or If Only. Mm-hmm. And then Mira with Trop Mimi. Yeah. Too Cute. Too Cute, yeah. And it's featuring Chila and Le Roi Louis et Shiva Confalanori. Okay. Wow, mm-hmm. Yeah, this way. Mm-hmm. All right, on y va? Eh ben, on y va. Donc, faudrait que je sache vivre sans toi. Pour moi, ce serait comme chanter sans ma voix. Faudrait que je sache me passer de toi, de ta peau, de tes doigts. Sans toi, ce serait comme vivre sans lumière. J'avoue, je ne sais pas faire. Hashtag tu me manques, hashtag tu me manques. Sans toi, la lune et les étoiles se disputent le ciel. Sans toi, y'a plus de lumière dans mon cœur, y'a plus de miel. Je regarde toutes les stories, aucune n'est comme la tienne. L'autre écrit si c'est clair qu'on s'aime comme à l'ancienne. La lune et les étoiles se disputent le ciel. Sans toi, y'a plus de lumière dans mon cœur, y'a plus de miel. Je regarde toutes les stories. Les câlins, ils font que parler, ils veulent jouer les stars là. Oui, je vois tes fans, je réponds à l'appel. X veut me voir, m'en vaut plus la peine. Je serai avec toi dans les câlins, tout comme dans les galas. Quand t'es inégalé, calable. Quand je te vois, je suis content. Je t'aime depuis longtemps. Avec toi, je me vois bien, papa, si seulement. Tu fais mes ménages danser si bien que je vois plus leur passé. Je peux bien me casser si seulement. Gal wine sec, wine sec. Laisse-moi te jiggiter, my type, my type. Ça fait un long brigal ou perfect, perfect. Un jour le Bobby et je suis refait. File tout droit et puis mon sel. Dans tous mes plats je recharge ton grain de sel. Nous deux c'est du tout cuit et c'est hot hot. Mon sac à moyen acheté Wenzel. Wagwan Michael. Boom, stop, bouge à savoir en panique pour qu'on domba. Big game, pété, faut qu'on gong. Shot, make it drop, make it tick, make it top. We women to be sapaté random. Coupé, compté, one, two, three, j'veux pas le fantôme. J'assume les deux jambes à descendre. Hop, hop, mets des douettes. Hop, hop, calico. Hop, hop. Quand je te vois, je suis content. Je t'aime depuis longtemps. Avec toi, je me vois bien, papa. Si seulement tu fais mes ménages danser. Si bien que je vois plus leur passé. Avec toi, je veux bien me casser. Si seulement sur la tête d'oreiller. Déjà des jours qu'on ne se donne plus de nouvelles. Le cœur est noirci même les jours ensoleillés. Tes chaussettes trouées sont toujours à la poubelle. Faut quand tu l'aimes, j'ai plus d'idées sur la façon de nous sauver. On a tout dit, on a tout fait dans le lit. J'étais le miel, toi le piment. Tu m'as piqué, c'était osé. Y'a aucun bouc avait touché ton mille. Oh, j'écoute des messages pour me souvenir de ta foi. Ils sont loin, nos petits câlins qu'on se faisait le soir. Dépasser ta beauté, bébé. Tu t'es réveillé trop tard pour me garder dans ton lit. T'as beau me parler chinois, là t'en fais pas, j'ai tout compris. Que tu me joues la comédie, tu me fais ton Leonardo. J'suis pas convaincu, j'ai laissé le dossier sur le chaos. J'ai supprimé tes messages et mes souvenirs de toi. On s'est laissé brûler tout doux, c'est sûrement mieux comme ça. J'm'ai dit que ça va aller. J'pense plus à ce qu'on voulait être. Même si tes bisous me manquent, j'ai plus ta voix dans la tête. Bébé, j'ai plus ton temps, toujours à contresens. Bébé, j'veux plus t'entendre, j'm'en fous de ce que tu ressens. Sans plus trop tous tes bisous dans le corps. KFAI is proud to present Paul Weller at the First Avenue Main Room on Monday, September 16th. Paul Weller has been turning up now for the better part of five decades. A recording career that began in 1977 now takes in the release of his 17th solo album and his 28th in total. Paul Weller's new album, 66, marks the completion of his 66th journey around the sun. Its 12 songs were worked up in Weller's Black Barn studio over the course of 3 years. Opening the show is Irish singer-songwriter George Houston. Tickets for Paul Weller can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details. Et voilà, voilà. Yes, indeed, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. And you still can listen to the debate with... our music in the background, mm-hmm. because when one person is talking, there's a lot of BS. we just listened to Cinnamonat with Tu me manques, I miss you. And then Ogi with Si seulement. And then Mira with Trop Mimi, featuring Chila et le Roi Louis et Shiva Cafalornieri. Yeah, I know. And we're going to keep on listening to music until 10 o'clock, until Balkan Jamboree. Mm-hmm. And we'll be back after next week because we are here every week. So sometimes we have guests, sometimes we don't. Sometimes we have themes, sometimes we don't. And in any case, we play French music, or music in French, I should say. Otherwise, there is a web show, French Influences Radio Show Therapy, and there's a new one once a month, but there's already 142, so you got your choice. You can go back and listen to it. It's both on Mixcloud and archive.org. We're going to keep on listening to songs, a series of three, so you guys are not lost. Tonight we have Adrien, Romain, and I'm Freddy, and we have the Three Musketeers, which is not that common. True. And so let's But who's Porthos, who's Athos, who's Aramis? Let's not put any names. Okay. Especially when weight issues is talked about. So we're going to listen to Margane, not Morgane, Margane. Maybe it was a compromise between Morgane and margarine. I don't know. Yeah, mm-hmm. that would make a lot of sense. Yeah, mm-hmm. The name of the song is trop parfait, too perfect. Then we're going to listen to L2B, or L2B. And it's, the name of the song is Touché Coulé, like on a naval battle. Yeah, battleship. Battleship, exactly. And then Que Black with Boucan. And le Boucan is noise. It's a racket. It's a lot of noise. Not to mistake with the toucan, which is a bird, who's probably making a lot of racket too. And it's featuring Franglish. Ah oui. So, all right. Bien. On y va. C'est parti. Mes émotions, et puis de toute façon j'avoue, je préfère vivre l'amour en désappréciation, on est très bien là, comme ça les gens ne parlent pas, comme ça les gens ne savent pas, à quel point je me sens bien avec toi, on se sent bien, c'est comme un nouveau monde. Ne laissant personne cacher nos bonnes leçons. On se pose ensemble encore quelques secondes. On ne laisse personne cacher nos bonnes ondes. Mais tout est trop parfait. Reste dans mes bras. Tout est trop parfait. Aime-moi. Tout est trop parfait, reste dans mes bras. Tout est trop parfait, aime-moi. Et rien ne nous épuise, on ne se laisse pas diviser. Peu importe ce qu'ils disent, personne n'est légitime, ils veulent juste nous embrouiller. Mais je n'étale pas, je ne parle pas. Je me concentre, je fais des choix. Et quand la nuit arrivera, je me retrouverai enfin près de toi. On se sent bien, c'est comme un nouveau monde. Ne laissant personne cacher nos bonnes ondes. On se pose ensemble encore quelques secondes. On ne laisse personne cacher nos bonnes ondes. Mais tout est trop parfait, reste dans mes bras. Tout est trop parfait, aime-moi. Tout est trop parfait, reste dans mes bras. Tout est trop parfait, aime-moi. Dans mes bras. tout aujourd'hui, moi j'en ai rien à tout mort. Devant toute ma team, toi tu veux faire des tralala. Oh là là. J'avais beaucoup de cicatrices, je pourrais t'abandonner par maman. Par maman. Et puis même si j'ai l'envie, mauvais job, peux pas dire pardon. Le clip de la tête, hein. Ma chérie, j'ai la détente. Elle est posée dans le vip, vip, vip. Fais les baillons doucement. Mais je vais pas gâcher la fête, oh non, je peux pas t'étonner. Après deux, trois dates, elle veut déjà la détonner. Je fais fumer la peau comme Bob Marley. Prends un peu ton cœur, bébé, comme chez moi. Ils ont essayé mais sans faire il n'a pas marché. De moi ils ont douté, je suis revenu pour confirmer. Et mon cœur s'est cassé, avec l'argent je l'ai reconnu. C'est Dieu qui m'a donné, mais du ciel c'était pas tombé. Moi, je fais jamais doucement, j'abuse. Moi, je préfère rester dans ma bulle. Elle voudrait connaître mon vécu. Je garde le silence, moi j'ai mes raisons. Pourquoi toujours tu m'accuses, toi? Toi t'es toujours dans l'abus. Toi, tu mérites qu'on se voit plus, toi. Attention, attention, j'ai monté la tension, tension. La pression, pression, je suis l'homme de la saison, saison. C'est moi. Partout c'est chez moi, je fais comme à la maison, maison. La donc attention, attention, je vais monter la tension, tension. Ils ont essayé, mais ça c'est rien n'a pas marché. De moi ils ont douté, je suis revenu pour confirmer. Et mon cœur s'est cassé, avec l'argent je l'ai recollé. C'est Dieu qui m'a donné, mais tu sais que c'était pas tombé. Ma chérie montre-toi, les regards sont sur toi. Avec moi ce soir, on va déranger les voisins. Allez montre-toi, les regards sont sur toi. Avec moi ce soir, on va déranger les voisins. Yeah. Qui t'a dit que je fais pas les euros? Qui t'a dit que j'ai pas la mélo? Chou, ton buzzer comme Carmelo. Tout ce qu'on touche devient du roro. Je tombe une fois, je me relève deux fois. J'ai les bons mots pour te parler. Avec moi bébé veut rester. Attention, attention, je vais monter la tension, tension. La pression, pression, je suis l'homme de la saison, saison. C'est moi. Partout c'est chez moi, je fais comme à la maison, maison. La donc attention, attention, j'ai monté la pression, pression. Ils ont essayé, mais sans sèvre, il n'a pas marché. De moi, ils ont douté, je suis revenu pour confirmer. Et mon cœur s'est cassé, avec l'argent, je l'ai recollé. C'est Dieu qui m'a donné, mais des ailes, c'était pas tombé. Ma chérie, montre-toi, les regards sont sur toi. Avec moi ce soir, on va déranger les voisins. Ma chérie, montre-toi, les regards sont sur toi. Avec moi ce soir, on va déranger les voisins. Et voilà, we are back. But not for long. Yes, another 10 minutes until Balkan Jamboree. Yep. And we listened to three more songs. We're going to listen to a few more songs until 10. Yeah. So what did we just listen to? So we listened to Margan with Trop Parfait, then L2B with Touché Coulé, and Que Black with Boucan. And we'll be back next week. So stay tuned. Follow us on Facebook. We have a brand new website at bonjourminnesota.com. So I usually post like the latest show recording, or not the show itself, but a link to it, to archive.org. We're going to listen to, I think we may have time for four songs. We'll see. Jean-Claude Nemro with Ave Oududu, featuring Kelia Pollen, and it's Creole. Then Harley with Ça va pour nous, featuring Made in Paris, and Dopamoon with Chat dans la nuit, so Cat in the Night, featuring Romain Muller. And if we have time, maybe Clarica with Manger à quelqu'un quelque part. Très bien. And Dopamoon is one of the artists that's in the song, in the soundtrack of Emily in Paris season 4. Mm-hmm. So I track the songs, and a lot of them are very nice, so I'm going to probably make some shows about it. I think there's 2.5 hours so far. Okay. I'm waiting for the part two. Yeah. Wow, there are four seasons of Emily in Paris. What? There are four seasons. Yeah, yeah, it's the fourth, yeah. And part one was out like mid-August, and the part two is out like... September 12th. Yeah, this is coming up. Wow. So... Yay. Yeah, I haven't watched it. Okay, so going to avoid spoilers. Yes, thank you. All right, on y va. Okay. Good night. Yes. Stay safe. Yeah, stay safe. Have a good night. And next time we'll talk to you. It will be pleasure drive. Yes, yes, it will indeed. Bonne nuit. À bientôt. Au revoir. Thank you. qui nous cabate à l'unisson parce que l'amour pas ni raison. J'ai fumé, j'avais bu. J'avais 10 points dans la poche pendant que je regardais la vue. Pendant que je regardais la vue. Hier soir, je me suis rendu compte que je suis mieux que l'année dernière. Je vois de loin les gens qui me critiquaient, ils sont derrière moi. La deuxième, c'est le premier qui perd. Aujourd'hui, je suis fier de tous mes choix. Tout va bien, ça va pour moi. Tout va bien, ça va pour moi. J'ai des sous, ça va pour moi. J'ai des sous, ça va pour nous. Dis-moi si on se connaît, on se connaît, ben. Dis-moi si on se connaît, on se connaît, ben. Tout va bien, ça va pour moi. Tout va bien, ça va pour moi. J'ai des sous, ça va pour nous. J'ai des sous, ça va pour nous. Dis-moi si on se connaît, on se connaît, ben. Dis-moi si on se connaît, on se connaît, ben. J'suis partout, je sais. Trop fort, je connais pas l'échec, que des bastos que je fais. Plus je bosse, plus j'encaisse l'échec. J'ai du one, two, shake, shake. Partout, on fait, fait. One, two, shake, shake. Qui je tape pour que je déstresse? Invincible, le diable passe souvent à l'improviste.